c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la marche des sciences. Aujourd'hui, émission spéciale Grand Portrait. Hélène est une femme de cœur. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas, et elle est capable de défendre avec vigueur et intelligence ce à quoi elle croit. Et elle a souhaité se faire le porte-parole de ses grands-parents et de ses parents. Et elle s'y adonne d'une façon, je dirais, très courageuse et très persévérante. Depuis qu'elle est née, le monde de la physique nucléaire est son berceau, son univers. Hélène Langevin est ingénieure de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. École où ses grands-parents, Pierre et Marie Curie, ont découvert le radium et le polonium. Chercheuse en physique nucléaire fondamentale au CNRS, titulaire d'une thèse de doctorat en 1956, elle mena la majeure partie de sa carrière à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay de 1979 à 1983 et présida la commission de physique nucléaire de 1981 à 1985. Elle fut même membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et techniques de 1985 à 1992. Aujourd'hui directrice de recherche émérite au CNRS, c'est une femme engagée dans la société, militante, notamment sur la question de l'utilisation pacifiste de l'énergie atomique que nous avons le plaisir de recevoir sur France Culture. Entre une carrière vouée avec passion à la recherche et une appartenance à l'illustre famille Curie, Hélène Langevin, née Joliot-Curie, a un parcours qui mérite aujourd'hui une totale immersion. Une émission émaillée d'archives sonores dénichées dans les fonds de l'INA par Anaïs Morales, Aude Vassan et Marie Jarros, est préparée avec Céline Duchesnay, ici présente, qui a réalisé des interviews auprès de proches de notre invitée, Hélène Langevin, devant et derrière les paravents de la marche des sciences. Hélène est une personnalité très forte. Il faut avoir sa force personnelle pour supporter, comme elle le fait, d'être la fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie, la petite fille de Pierre et Marie Curie. Et elle le fait admirablement. C'est-à-dire, les célébrations, les tâches diverses qu'il y a effectuées en relation avec la mémoire des parents et des grands-parents, elle assume ça avec force et simplicité, et je ne la sens pas écrasée par ces personnages. Elle a la force d'être elle-même en étant aussi fidèle que possible à sa famille. Bonjour Hélène Langevin. Bonjour. Vous êtes à la fois chercheuse et porteuse d'une histoire familiale, une double casquette que vous avez toujours assumée avec plénitude, à en croire Jean-Pierre Cahan, interviewé par vous, Céline Duchesnay, bonjour. Bonjour Aurélie. Et donc un choix que vous avez fait en tout cas d'aller à la rencontre de Jean-Pierre Cahan. Oui, on peut peut-être le rappeler, qui est donc mathématicien et professeur émérite à l'université Paris-Sud Orsay et aussi ancien président de l'Union rationaliste. Alors on va l'entendre à d'autres reprises, Hélène Langevin, dans cette émission qui vous est dédiée. On disait, vous êtes fille et petite fille d'eux, c'est souvent par cette expression que l'on vous qualifie. Comme ça, sans cesse, j'ai envie de dire. Et d'emblée, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acquis, peut-être ? Est-ce qu'on peut faire cette distinction chez vous ? C'est-à-dire, vos traits propres de caractère sans lien de famille. Allez. Bon, je crois que ce n'est pas tellement différent, finalement, d'autres personnes qui, elles aussi, peuvent être influencées par leur parenté. Il suffit d'avoir dans sa famille quelqu'un qui vous influence. Et ça a été évidemment le cas de mes parents. Alors l'inné et l'acquis, Hélène Langevin, donc votre caractère quand même, il est bien à vous. On vous dit femme avec un caractère bien trempé, tenace, engagée. C'est comme ça que vous définissez ? Oui. Bon, je crois que c'est mon caractère. Peut-être de ce point de vue, je ressemble peut-être plus à mon père qu'à ma mère, par exemple. Et bien que les époques soient complètement différentes, entre Pierre et Marie, il est bien possible que le caractère très combatif de Marie sur d'autres questions que celles que j'ai affrontées, mais plus influencé que celle de Pierre Curie, qui lui était très très proche de ma mère. Beaucoup de calme, une réflexion profonde sur les questions de physique. Est-ce que vous avez gardé quand même, Hélène Langevin, quelques souvenirs de vos grands-parents, donc Pierre et Marie Curie ? Je ne peux évidemment pas avoir de souvenirs de Pierre Curie, sinon par l'image que m'en donnaient mes parents. Mais votre grand-mère, Marie Curie ? Pour Marie Curie, j'avais à peine 7 ans quand elle est disparue. Et je donne toujours cet exemple qui, je crois, est vrai. On ne m'a pas élevée dans la famille en me disant « Fais attention, tu as une grand-mère exceptionnelle. Tu as une grand-mère qui a fait ceci, qui a fait cela, qui est bon, qui va quand même marquer l'époque. » Pas du tout. Nous avions une famille, et dans cette famille, c'est une phrase que je répète souvent, mais qu'est-ce qui compte ? C'est l'enfant, c'est pas la grand-mère. Donc c'est moi qui étais au centre de la famille. Donc les souvenirs que j'ai sont très très fragmentaires. D'aller chez elle, c'est vrai qu'elle venait me voir quand on m'emmenait au Luxembourg, qui n'était pas très loin de l'endroit où on habitait. Mais si vous voulez, c'était ça. C'était, une vie normale de ce point de vue. Et alors, cette notion de prix Nobel, ça signifie quoi pour vous ? Le prix Nobel a certainement joué un rôle très important dans la vie de Pierre et Marie, puisqu'il leur a donné des moyens, une notoriété, etc. Et aussi un rôle important pour mes parents, mais je dirais que c'est venu, vu par l'enfant que j'étais, comme un épisode qui n'a pas organisé toute la vie de la famille. C'était en 35, décembre 35. Oui, pour vos parents, pour le prix Nobel. Que mes parents Irène ont le prix et Nobel. Frédéric Joliot Curie. Naturellement, je me vois sur le canapé. J'entends mes parents et mon père, je crois, dire oui, on va avoir le prix Nobel. Bon, je vois bien que c'est important. Mais c'est pas de cela qu'on parle le soir au dîner, forcément. Certes, des amis ont pris des photographies, y compris mon frère, petit, en train de regarder les 5 diplômes de prix Nobel. Mais 35, n'oubliez pas qu'on est dans cet entre-deux-guerres, et l'entre-deux-guerres a déjà, j'allais dire, tourné. On est après la prise de pouvoir de Hitler, on est après 34... Mes parents ont des préoccupations qui ne sont pas que des préoccupations de laboratoire. Et quand ce sont des préoccupations, ces préoccupations s'en mêlent. Disons, le souci de l'avenir de la recherche scientifique, je dirais, marche de pair avec le souci que, la France ne tombe pas avec les ligues fascistes et qu'au contraire, il y a un mouvement populaire important auquel ils ont pris part. Alors, vous parliez de votre frère, Hélène Langevin. Je vous propose tout de suite de l'écouter grâce à Céline. Céline Duchesnay, vous êtes allée à la rencontre, justement, de Pierre Joliot. Oui, parce que pour parler de l'influence de votre famille sur votre parcours, il y a évidemment une évidence, c'est aller rencontrer votre frère qui est de 5 ans, votre cadet, 4 ans et demi pour être précise, alors qui lui aussi est tombé dans la recherche puisqu'il est devenu biophysicien, spécialiste de la photosynthèse, professeur honoraire au Collège de France et il m'a reçu dans son bureau à l'Institut de biologie physico-chimique rue Pierre et Marie Curie. Il est certain que l'influence de nos parents a été considérable. Ce qui est, je crois, tout à fait particulier, c'est que nos parents nous ont fait comprendre la recherche comme une activité créatrice artistique et c'est probablement pour cette raison que l'un et l'autre, nous avons pu être heureux dans ce métier, et en particulier cette représentation de la recherche que nous ont donnée nos parents nous a évité l'écueil évident qui pouvait se poser pour l'un et l'autre, qui était cet héritage extraordinairement lourd à porter. Et je pense que la vision de la recherche que nous ont donné mes parents, et indirectement d'ailleurs, je pense que c'était la même vision de mes grands-parents, Pierre et Marie Curie, nous a permis de pouvoir nous lancer dans ce métier en ne nous préoccupant pas de savoir si notre réussite scientifique serait comparable à celle de nos parents et de nos grands-parents, ce qui nous a permis d'être heureux dans ce métier. Hélène Langevin, donc votre frère, bien sûr, parle de cet environnement qui n'était pas forcément marqué par une pesanteur, par ses Nobel, par tous ses prix, mais véritablement chacun pouvait avoir son parcours. Alors le vôtre commence à Paris, hein. Vous êtes né Giulio Curie le 17 septembre 1927, une enfance donc comme les autres, même si elle est quand même, on imagine, marquée par un apprentissage un peu balisé par une méthode Giulio Curie, non ? Bon, on disait beaucoup de choses autour de moi et de temps en temps, je devais répercuter des mots qui n'étaient pas de mon âge. Je les ai probablement oubliés, probablement vers 10, 12 ans et autres. C'est vrai, ce que disait mon frère à l'instant est profondément vrai. Jamais nous n'aurions pu, ni l'un ni l'autre, être scientifiques sans cette conception, je dirais, très ouverte, très plaisante. Je cite toujours cette phrase que j'ai trouvée après dans un texte de ma mère. « Ce ne sont pas les expériences qui m'ont valu le plus de succès que j'ai le plus aimé. » Autrement dit, j'aime la recherche, et j'aime la recherche y compris pour la petite découverte. Ma mère a écrit ça bien précisément dans une causerie qu'elle a faite pour les jeunes. Le plaisir de la découverte, même si elle est de faible importance. Si on vous dit ça, pourquoi pas ? Si on fait éventuellement à la maison, je ne dirais pas des expériences, mais des petites choses. Si un jour on va au laboratoire, on vous montre à faire la mesure d'une période radioactive. Bon, ça ne fait pas une éducation scientifique considérable. Mais ça donne une familiarité, oui. Disons. Et en même temps, vous, Hélène Langevin, vous étiez passionnée par l'histoire. Vous auriez pu être littéraire. J'étais passionnée par l'histoire, ça, c'est absolument évident. Mais il faut avouer que j'avais à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être bonne élève partout, y compris en gymnastique. Point qui intéressait beaucoup ma mère. Quand elle regardait les résultats, un prix de maths ou un prix de gymnastique, je n'avais pas du tout le sentiment que, un, c'était extrêmement important d'être première, mais deux, qu'il y avait une hiérarchie entre les deux questions. Parce que le sport aussi fait partie de la famille Curie. Absolument, et c'est même très important. Pas du sport de compétition, mais ça commence avec les Curie qui trouve que les enfants doivent avoir le temps d'aller dans la nature, de se dépenser physiquement. Et c'est ce qui se passait notamment en Bretagne, à l'Arquest. Oui, pour nous, lieu de résidence de la famille. Dans ce lieu merveilleux qui est l'Arquest en Bretagne. Et oui. Alors, bien sûr, votre parcours est marqué par cette Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a une anecdote que votre frère a confiée à Céline. Je ne sais pas si ma sœur apprécierait que je rappelle cette anecdote, mais à la fin de la guerre, en 1944, nous avons été forcés de ma mère, mon père, qui était dans la résistance, la situation devenait trop dangereuse, et mon père a organisé notre évacuation vers la Suisse par un groupement de résistance. Nous sommes donc passés par la montagne vers la Suisse, où nous avons d'ailleurs d'abord été mis en prison, puis libérés grâce à un préfet qui avait une grande largeur de vue. Eh bien, ma mère est repartie au moment de la libération de Paris, et ma sœur, qui devait avoir 17 ou 18 ans, a décidé, sans consulter mes parents, nous étions hébergés par des amis suisses, a décidé de revenir en France avec moi. Et je n'ai jamais très bien compris comment à 17 ou 18 ans, elle a pu retrouver des contacts avec le groupe de résistance qui nous avait fait passer. Et ça reste pour moi, dans ma vie, un miracle. Comment ma sœur a-t-elle pu organiser ce retour en France ? Et je peux vous dire que quand nous sommes arrivés dans la maison de nos parents en 44, en fin 44, après avoir traversé la France tout près de la ligne de front, mes parents n'étaient pas totalement satisfaits, mais ceci, à mon avis, révèle l'incroyable volonté. Ma sœur voulait absolument vivre la situation sur place. Lorsqu'elle a l'intention de faire quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Hélène Langevin, un caractère alors forgé dans la guerre aussi ? Oui, un caractère. Mon frère exagère un petit peu, parce qu'effectivement, il y a eu une conjonction. Les personnes qui nous avaient fait passer en Suisse avaient des raisons de vouloir repasser en France. Mon rôle a été d'accepter de les suivre, d'aller au consulat de Genève, le nouveau consulat, de persuader qu'il fallait que, donc j'ai mis toute mon éloquence, d'obtenir de nos amis suisses de nous laisser partir et de prendre mon frère sous le bras et de se retrouver. Bon, mais disons que je n'ai pas eu à chercher énormément. Il y avait un intérêt derrière que je ne vais pas vous raconter en détail. Mais certainement que lui, du haut de ses... Il devait avoir à peu près 12 ans. C'était effectivement une autre vision des choses. Oui, moi j'en avais pas tout à fait 17. Bon. Mais en tout cas, cette période de la guerre, Hélène Langevin, c'est aussi la science dans la guerre, hein, son usage. Il faut quand même rappeler que votre père a été à la tête du Front National pour la Libération de la France et que vous, c'est une période au cours de laquelle vous rencontrez aussi des personnages, des résistants, des gens importants qui deviennent, est-ce qu'on peut dire, des modèles pour vous ? C'est sûr que j'étais jeune et c'est sûr aussi que dans cette période, beaucoup de personnes venaient à la maison aussi, et c'est une personnalité qui m'avait énormément frappé à l'époque, un homme qui ne portait pas encore ce nom, il l'a pris pendant la résistance, Pierre Villon, qui est devenu le président du comité d'action militaire du Conseil national de la résistance, qui a joué un rôle très important, y compris dans la rédaction bien des projets pour l'après-libération. Il venait à la maison discuter avec mon père. Bon, j'écoutais pas aux portes, mais nous dînions ensemble. J'étais littéralement fasciné. Oui, c'était un héros pour moi, c'est certain. Alors, autre personnage qui a certainement dû avoir un impact sur vous, on va vous le faire écouter. Je ne vous dis pas qui c'est, le document date du 26 mars 1938. Le sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique a dans ses attributions, comme vous le savez, le service central de la recherche scientifique qui a été organisé conformément au texte d'une loi des finances que j'ai eu la bonne fortune de faire voter à la fin de 1936. Ce service coordonne tous les efforts qui sont faits dans le domaine des sciences pures. Il est en liaison constante avec la Caisse nationale de la recherche scientifique que je considère un peu aussi comme mon enfant. Grâce à la Caisse et au crédit dont elle est dotée, les savants peuvent se consacrer essentiellement à la recherche. La Caisse nationale de la recherche scientifique a formé une équipe de jeunes et elle a aussi doté de matériel nouveau un très grand nombre de laboratoires. Je ne veux pas parler de la Caisse nationale sans citer le nom d'un de ses boursiers, mon ami Frédéric Joliot, professeur au Collège de France. Lui et sa femme, Irène Joliot-Curie, qui a occupé les fonctions de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, sont les deux plus jeunes prix Nobel du monde. Alors, Hélène Langevin, vous venez de nous dire, hein, hors micro, que vous ne connaissiez pas ce document-là. C'était la voix donc de Jean Perrin. Oui, je connais. Alors, secrétaire d'État à la recherche scientifique. Oui, je connaissais pas ce document et je suis obligée de dire que, sur les phrases, j'ai reconnu. J'ai hésité sur la voix, qu'évidemment, j'ai beaucoup entendu avant la guerre. Mais c'est certain que Jean Perrin a concrétisé, à la fois symbolisé et concrétisé, je dirais, l'entrée de la recherche dans les objectifs nationaux. Exactement, il avait été prix Nobel de physique en 1926, il faut le rappeler. Et en tout cas, vous avez arpenté ces hauts lieux de la recherche quand même petite, hein, laboratoire d'Ivry, ceux du Collège de France. Et du coup, on se dit, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, allez, moi je veux faire de la recherche en physique nucléaire? C'est arrivé quand ça? Je crois que c'est arrivé tard. D'une certaine façon, c'est pas impossible. Encore, mes parents ne sont pas vraiment intervenus pour dire, en tout cas, tu seras chercheur. Non, j'aurais été, comme je l'imaginais à un moment, historienne ou autre chose, pourquoi pas. Mais quand même, c'est vrai que la physique nucléaire, pas à cause de la bombe, mais à cause des progrès fantastiques qui avaient été faits dans l'immédiate avant-guerre et qu'on sentait bien encore en route, c'était, comme on dit, une discipline de recherche, alors disons les choses, à la mode. Et donc, d'une certaine façon, j'ai peut-être cédé à la mode à un moment donné. J'en ai pas été malheureuse d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et je me permets de dire que j'ai vécu, je dirais, complètement la transition entre le moment où on peut encore faire des expériences seul ou à une ou deux personnes, et le moment, quand j'ai arrêté une dizaine d'années après ma retraite, de participer à des expériences, où il faut se mettre à 25, préparer les choses très longtemps à l'avance, demander le droit d'avoir un temps de faisceau pour pouvoir travailler, etc. Toute cette période, bien, mon choix a peut-être été dicté sans préjuger autant de changements. Mais j'y ai pris plaisir, même avec les changements, en y trouvant d'autres joies. Celle de travailler, en fait, avec des grandes équipes. Alors, pour avoir une petite indication quand même, votre retraite, vous l'avez prise quand ? Je ne suis jamais sûre de ma date de retraite, mais je crois que c'est 92. Voilà, quand vous disiez 10 ans après, quand vous avez quitté ce monde de la recherche, donc plus que en 2002. Ça, je crois que j'ai cessé d'être impliquée dans une expérience en 2005 à peu près. En tout cas, Hélène Langevin, donc vous choisissez cette voie de la physique nucléaire, vous sortez major en physique de l'École supérieure de physique et chimie en 1948, ensuite il y a le doctorat au Collège de France. Vous rencontrez votre mari, hein, Frédéric Langevin, il faut quand même rappeler que c'est le petit-fils de Paul Langevin, grand physicien, et donc c'est vraiment ces familles qui ont marqué l'histoire des sciences en France et internationalement. Et puis donc vous avez contribué au lancement du laboratoire d'Orsay, initié par vos parents d'ailleurs. Oui, alors, je suis à l'époque, en 57, je suis à l'époque encore un très jeune chercheur, puisque j'ai passé ma thèse en 56. Donc, c'est ma mère qui a trouvé le site d'Orsay et qui a pris l'initiative de lancer un nouveau laboratoire, parce qu'on ne pouvait plus faire de la physique nucléaire moderne, si j'ose dire, à l'Institut du Radium, sans accélérateur important. Puis les deux laboratoires, celui de mon père, celui de ma mère, se sont préparés à se transférer à Orsay. Un synchrocyclotron qui a été commandé. Et ça a été une grande époque. On a été, disons, dans les premiers à s'inscrire dans le mouvement de renouveau, de développement de la recherche scientifique. En fait, le nombre d'étudiants augmentait beaucoup, il n'y avait pas de place pour les étudiants, il n'y avait pas de place pour les laboratoires, il n'y avait rien. Et à un moment, dans cette année, ces années 55-56, l'argent est arrivé. On va créer le troisième cycle, on va élever le niveau de formation scientifique des étudiants, et c'est parti, je dirais, un petit peu tous azimuts. Ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire mes parents et quelques autres, bien se sont engouffrés dans l'ouverture, qu'ils avaient d'ailleurs fortement contribué à créer. Et ça a été les débuts d'Orsay. Je suis arrivé. Voilà. Et vous entrez dans la carrière voilà, à Orsay, bon, qui devient votre nouvel emprunt. Accélérateur, nouveau type de recherche, nouveau type d'expérience et une grande période assez euphorique, disons. Alors, sur quoi avez-vous travaillé, Hélène Langevin, pendant toutes ces années, plus de 49 ans, 50 ans, à étudier la radioactivité ? Oui, j'ai d'abord commencé à étudier la radioactivité. Même pendant une période assez brève, parce qu'elle a été brève, étudier des phénomènes très importants dans la radioactivité, avec la non-conservation de la parité, comme on dit. Puis, on s'est lancé dans l'étude des réactions nucléaires, qui nous étaient enfin accessibles, avec des accélérateurs, je dirais, importants, d'énergie suffisante. Bien, on a parfois le sentiment qu'à partir du moment où on a su que dans un noyau, il y avait des neutrons et des protons, en somme, pourquoi continuer à faire de la physique nucléaire ? eh bien, cet ensemble de neutrons et de protons qui sont à la fois plus que deux ou trois en général, et parfois très nombreux, a une grande richesse de phénomènes. Pour comprendre la manière dont il s'organise, pour comprendre la manière dont il réagit quand on lui insuffle de l'énergie, soit en rentrant une particule, il y a un champ considérable. J'ai d'abord travaillé plutôt sur des noyaux très légers, des réactions avec le deutérium, l'hélium, pour comprendre les forces qui organisent ces noyaux. Puis, je me suis orienté vers des noyaux que nous appelons plus moyens et plus lourds, donc un grand nombre de nucléons, avec cette idée derrière que j'entends encore un jour de séminaire dans une grande discussion, un théoricien nous dit « Le problème en physique nucléaire, ça n'est pas de savoir résoudre l'équation de Schrödinger à 180 nucléons. Il est de trouver et de comprendre et de décrire les principaux degrés de liberté qui gouvernent finalement le comportement des noyaux, qui sont à la fois des degrés de liberté qu'on peut qualifier de caractère individuel, puisque vous avez des protons, des neutrons, ils sont dans des états d'énergie, j'allais dire bien précis, non, mais enfin, pas n'importe lesquels, et puis vous avez des mouvements collectifs de différentes natures, et tout cela se combine, vous avez aussi ce que j'appellerais le résultat de l'agitation générale de tous ces nucléons, une espèce de, c'est pas un chaos, non, c'est, bon, d'étalement général des choses, comme quand vous vous faites bouillir que ça chauffe et que tout ça s'agite, et bien, bon, voilà, ça vous complique la vie, ça vous complique beaucoup la vie de tirer les degrés de liberté au milieu d'un océan de phénomènes qui, eux, ne sont pas contrôlables. Mais même si ça vous complique la vie, en tout cas, Hélène Langevin, on a eu quelques échos selon lesquels, malgré tout, dans cet univers scientifique, vous saviez exactement ce que vous vouliez, comment vous comporter. Je me tourne vers Céline Duchesnay parce que parmi les interviews surprises qu'elle vous a concoctées, il y en a une avec un personnage qui fait partie de cet univers d'Orsay, n'est-ce pas, Céline? Oui, puisqu'il s'agit d'un de vos collègues depuis 1948, ce qui n'est tout de même pas rien. Et c'est Pierre Radvanik, qui est physicien nucléaire et qui est aussi directeur de recherche honoraire au CNRS. Nous avons travaillé, c'était des problèmes, ce qu'on appelait à petit nombre de nucléons, des noyaux tout petits, et c'était au synchrocyclotron, sur une cible de gaz liquéfié. Bon, c'était une expérience un peu difficile parce qu'il y avait un gaz radioactif et il fallait faire attention. Il y avait des discussions. Hélène est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. On peut l'infléchir lorsqu'on estime soi-même avoir raison, mais ça prend un certain temps. Il faut discuter parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui, lorsqu'elle est convaincue de quelque chose, elle n'abandonne pas facilement son idée. Et donc, si soi-même on estime avoir raison, il faut vraiment s'y prendre avec énergie. Par exemple, lorsque l'on rédige un texte ou que l'on veut présenter un sujet nouveau, il y a souvent plusieurs façons de le faire. Pour Hélène, il n'y en a qu'une qui est la meilleure, la bonne. Et pour moi, il y en a parfois plusieurs. Est-ce que Hélène, tu ne crois pas que on puisse avoir plusieurs solutions également valables à un problème, à une présentation? France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors, réponse, Hélène Langevin. Oui, il fait allusion à quelques débats que nous avons à propos soit de rédaction scientifique, nous les avons eus, et que nous avons aussi à propos de problèmes touchant au patrimoine, puisque Pierre Radvani est très, on lui doit beaucoup dans toute cette conservation du patrimoine Curie-Joliot-Curie, etc. Énormément. Il s'est dévoué à cette question considérablement. C'est vrai que j'ai une forme de logique que j'ai envie qu'on respecte, mais bon, il m'arrive quand même de capituler, tout de même, il ne faut pas exagérer. Mais sur des questions, je dirais, plus de fond, du genre la science dans l'éducation, la science dans la société, j'aime beaucoup discuter. De ce point de vue, j'ai hérité, je crois, de mon père, j'ai envie de convaincre. Ma mère, elle, affichait, avait des convictions profondes, elle les affichait. Vous êtes d'accord, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord, ben c'est comme ça. Voilà. Alors, je reviens à des questions plus de fond. On peut les prendre par différents bouts, ça je l'accorde, mais il y a des fondamentaux. Il ne faut pas confondre une connaissance et une opinion. Donc, je dirais que dans les choses qui me préoccupent aujourd'hui, il y a essentiellement cette idée, oui, clarifier, empêcher, je dirais, certaines idéologies dangereuses ou certaines idéologies que je qualifierais d'un peu simplistes dans la manière de voir la science. Et on va y revenir dans la dernière demi-heure, Hélène Langevin, que nous allons passer ensemble. Mais juste auparavant, de quoi vous nourrissez-vous en dehors de la science, c'est-à-dire votre univers artistique, musical ? Bon, j'ai fait du piano, je jouais du piano. Malheureusement, je jouais pas mal. J'aimais jouer les pièces de Chopin, je jouais même des polonaises, pas très bien, mais bon, elles me faisaient plaisir. Et puis, on ne m'a pas appris à déchiffrer. Et je n'ai pas l'oreille très musicale. Eh bien, il est arrivé qu'évidemment, j'abandonne. J'aime énormément écouter de la musique, c'est vrai. Je ne suis pas, je dirais, la catégorie qui dit « parce que j'aime du classique ou du semi-classique, je suis incapable, je n'ai pas du tout envie d'écouter du jazz, par exemple ». Vous voyez, ou même des chansons plus modernes, etc. Je peux pas dire que la musique tient pour moi la place qu'elle tient pour d'autres personnes. Mmh. C'est vrai. C'est voilà, j'ai des goûts un petit peu divers. Je lis, j'écoute de la musique, je vais voir des films. Bien, voilà. En tout cas, on vous a fait un petit choix, nous, aujourd'hui, pour la marche des sciences. Nocturne de Chopin en si majeur, opus 9, numéro 3, interprété par Pascal Amoyel. Suite de la marche des sciences sur France Culture en compagnie de la physicienne Hélène Langevin, chercheuse en physique nucléaire et membre de la famille Curie. Pierre et Marie Curie étaient ses grands-parents, Irène et Frédéric Joliot-Curie ses parents. Retour sur sa vie, ses recherches, ses engagements, une femme de science et de caractère engagée dans la société. Alors Hélène Langevin, cette femme engagée dans la société, c'est une femme passionnée, en même temps dans une famille aussi où les femmes ont tenu leur place, hein, quand même, hein, faut le rappeler. Oui, ça. Et ont gagné leur place, hein, parce que oui. Votre grand-père Pierre Curie a dû imposer Marie Curie dans le prix Nobel. De toute façon, oui, oui, Marie était reconnue à certains points de vue, mais pas pour pour certaines places, ça paraissait trop difficile. Et pourtant, ils ont bien été obligés de faire. Et ni Marie Curie ni Irène Joliot-Curie n'ont obtenu une place à l'Académie des sciences non plus. Alors que absolument. Bon, c'est pas faute de la part de votre mère d'avoir tenté les candidatures. C'était devenu un jeu. Pour Marie Curie, ça a été une décision. Voilà. Je ne me représenterai plus. Ma mère en avait fait une question de principe. Je me présenterai sur tous les postes où ça aura un sens quelconque. Effectivement, elle est décédée avant, en s'étant présentée trois fois, et peut-être même une quatrième avant de son décès. Voilà, pour moi, la place des femmes dans la science, je dirais, je n'ai pas eu intellectuellement à la conquérir. Elle coulait totalement de source. Et oui, mais par contre, vous avez véritablement pris votre place dans ce monde extérieur sur lequel vous avez toujours jeté votre regard avec cette ambition de changer le monde. Ça, c'était ce que vous vouliez faire. Est-ce que vous avez eu ce sentiment, à certains moments, de pouvoir jouer un rôle? Par exemple, quand vous aviez vos fonctions au Conseil scientifique de l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et techniques, c'était de 1985 à 1992, est-ce que là, Hélène Langevin, vous vous êtes dit, je sers vraiment à quelque chose dans ce monde politique? Ce n'est pas si évident, hein. Si vous voulez, oui, j'ai utilisé l'expression « j'ai toujours envie de changer le monde ». Oui, parce qu'il ne marche pas si bien. Bon, et comme je suis une optimiste, je pense qu'on peut essayer d'améliorer les choses. C'est vrai que quand j'étais jeune, je voyais les choses les plus générales. J'étais communiste, et bon, comme beaucoup d'autres, et je le suis resté. Mais au fil du temps, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait être concret, qu'il fallait voir là où on pouvait être utile. Vous faites allusion à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je crois que c'est un élément très, c'est quelque chose d'important qui a été créé. C'était tout à fait c'était les débuts. Donc, ce conseil scientifique, à l'époque, il ne fonctionne plus de la même façon tout à fait maintenant, mais couvrait des disciplines diverses et puis essayait de commencer à voir comment on pouvait essayer de faire sortir les débats de purement les sphères terminées. Bon, j'ai contribué à des préparations pour les premières grandes auditions publiques qui sont devenues maintenant des choses extrêmement classiques. Hein. Des auditions publiques dans une grande salle avec d'un côté des responsables de l'énergie nucléaire et de l'autre des associations très opposées. C'était une grande nouveauté pendant des années. Bon, donc, bien, j'ai eu le sentiment que c'était utile, ceci étant, je ne veux pas surestimer ce que je pouvais faire dans cette opération. En tout cas, votre engagement en politique, Hélène Langevin, là, c'est vrai que je crois, je me tourne à nouveau vers vous, Céline, je crois que chacun des participants que vous avez sollicités avait quelque chose à dire sur ce rôle politique. Ah bah, je crois que c'était vraiment le sujet récurrent. À chaque fois que j'ai rencontré donc, les intervenants pour préparer l'émission, tous m'ont parlé à chaque fois de votre engagement politique. Et je vous propose d'écouter ici votre frère, Pierre Joliot. Ma sœur a toujours été très fortement engagée politiquement. Et je pense que, de ce point de vue-là, ma sœur a plutôt reproduit l'engagement politique de mon père. Moi, je suis resté un petit peu à l'extérieur, tout en, évidemment, ayant un certain engagement politique. Mais je pense que ceci représente deux différences d'attitude. Il y a ceux qui s'engagent politiquement et qui s'exposent donc à des erreurs. Il y a ceux qui s'engagent moins politiquement, comme j'ai fait, et comme me le reprochait mon père, qui ont toujours raison, puisqu'ils sont toujours un peu à l'extérieur du système. Mais je crois que l'un et l'autre, nous avons parfaitement admis qu'il n'y avait pas une attitude et une bonne position possible, et que chacun avait droit à ses degrés de liberté. Bon, nous avons souvent parlé de ces questions et il n'y a pas une manière de faire. Et effectivement, mon frère a été souvent amené à prendre des positions et il les a prises. Je crois que pour moi, il y a eu l'idée d'un certain attachement à l'idée que, à moins d'être vraiment une personnalité tout à fait tellement marquante, exceptionnelle, qu'on va prendre sa parole, parfois à tort, pour plus importante que tout le reste, et bien que la réflexion collective était quand même quelque chose dont il était difficile de se passer. Bon, j'ai perdu un certain nombre d'illusions de ma jeunesse, mais à l'heure actuelle, je recherche la possibilité de discuter et d'essayer d'agir avec d'autres. Alors, illusions, désillusions, c'est peut-être ce qu'il a dans la tête, là, Jean-Pierre Cahane, quand il vous pose cette question. Est-ce que toi, tu pourrais dire, le plus simplement du monde, comment tu te sens communiste aujourd'hui? Ça le travaille, hein, Jean-Pierre Cahane. Ah oui, Cahane. Ça, oui. Parce que lui-même a eu cette trajectoire commune au Parti communiste, oui, hein, c'est pour ça. Si vous voulez, les mots peuvent recouvrir beaucoup de choses. Moi, j'y vois cette idée qu'il faut aller au-delà de ce qui est considéré comme inéluctable. Voilà, l'homme n'est pas bon. Comme il n'est pas bon, bah oui, là, il est principalement gouverné par l'argent, bien d'accord. Donc, il faut que tout le monde s'organise autour de ça. C'est le marché qui organise les choses. Ça va optimiser les problèmes. Et finalement, il y aura des retombées positives pour tout le monde. Je n'ai jamais cru. Cette spontanéité de la somme des intérêts particuliers pour faire l'intérêt général. Je me suis effectivement rendu compte que la définition a priori d'un intérêt collectif pour tout le monde n'était pas la chose aussi simple que je croyais. Donc c'est une marche difficile. Mais voilà, je suis communiste en pensant qu'on peut le faire. Trouver de nouvelles solutions. Et porteuse d'un héritage, parce qu'il faut aussi parler de ce que vous entendiez dans votre famille, Hélène Langevin. Le travail est respectable, mais pas la richesse. Vos grands-parents, il faut le rappeler, n'avaient pas voulu déposer de brevets pour que la recherche médicale puisse se faire aussi. Donc c'est aussi tout ce creuset peut-être qui vous alors, habite. Oui, effectivement, dans ma forme d'engagement politique, mon frère faisait allusion qu'on pouvait en avoir différentes formes, il y a effectivement des éléments de base. Et dans ces éléments de base, la place de la connaissance comme un bien, c'est très à la mode ce terme, comme un bien commun. Mes parents, dans leur texte, et ça date encore de Pierre et Marie Curie aussi, la connaissance, un patrimoine commun, on enrichit un patrimoine commun de l'humanité. Évidemment, ça, c'est un fondamental pour moi. Et ce fondamental, il a des conséquences dans la manière, par exemple, de considérer la manière d'organiser la recherche, par exemple. Bien sûr. Franchement, je suis très inquiète de cette espèce de dérive qui fait en sorte que la connaissance finit par passer un petit peu dessous la table. Au bénéfice de l'idée, il faut innover. Allez, il y a eu cette célèbre formule, je crois que c'est dans le traité de Lisbonne, la société de la connaissance la plus compétitive du monde. Il y a une contradiction. La société de la connaissance, pour moi, c'est une société solidaire, au sens solidaire, pas bêtement solidaire, mais oui, c'est notre bien commun. Par rapport à la science, si on parle patrimoine commun de l'humanité, ça donne l'idée que les connaissances qu'on accumule, elles ont une valeur. Or, il y a deux tendances qui se développent actuellement. L'une, qui peut-être est un petit peu atténuée en ce moment, c'est la science est une construction sociale comme une autre. C'est certain, la science qui se construit dans un laboratoire, ce n'est pas avec des purs esprits. L'histoire des sciences n'est pas une ligne droite avec rien que... Voilà, non. Non, mais une fois le chemin parcouru, le résultat qui est obtenu, sa valeur ne dépend pas du fait que l'histoire a été compliquée et qu'il est intéressant parfois de la connaître. Autrement dit, elle a une valeur intrinsèque. Bien sûr, il faut trouver un chemin raisonnable entre un dogmatisme qui a encombré la science, notamment au début du XXe siècle, Bon, la vérité ne venait plus du ciel, si j'ose dire, mais elle venait de la parole du scientifique avec l'idée qu'il n'y apporterait jamais une virgule. Ben, il apportait beaucoup de virgules. Mais, ça je le répète et je le répéterai, heureusement je ne suis pas seul, Langevin avait cette formule, le scientifique il a grandi le réel. Au fur et à mesure que les connaissances augmentent, ce n'est pas des connaissances dans un baquet qui est déterminé une fois pour toutes. Ce réel s'étale. Et parce qu'on va plus loin, alors on réintroduit les connaissances passées dans des connaissances qui permettent d'expliquer des choses qu'on n'imaginait même pas. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'Einstein n'efface pas Newton et la chute de la pomme. Alors quand vous dites, Hélène Langevin, je ne suis pas seule, on imagine que vous faites allusion à l'union rationaliste, peut-être, non? C'est ça cette, Je fais allusion à l'union rationaliste et mal de scientifiques que nous aimerions bien voir. Il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs ce que c'est l'union rationaliste. C'est plus qu'une société savante. Oui, à vrai dire, c'est une société originale qui a été créée en 1930, et essentiellement par des scientifiques, des universitaires, pour faire connaître, à l'époque, il l'avait dit comme ça, l'esprit et les méthodes de la science. Et si vous voulez, il y a une grande parenté entre le rationalisme tel qu'il s'est enrichi au fil des siècles, hein, parce que le rationalisme n'est pas, lui non plus, un dogme. C'est un moyen d'aborder les problèmes, de mettre la raison au centre d'un certain nombre de démarches. Bon, donc, cette union rationaliste a été créée en 1930 dans une époque de crise où, effectivement, pour d'autres raisons, celle de tout ce qui se passait dans l'après-guerre, bien, on commençait à entendre et la faillite de la science et on prenait conscience que la science n'était pas automatiquement avec un résultat positif. Oui, pas forcément bon, lié au progrès social. En tout cas, n'engendrait pas l'articulation progrès scientifique, progrès social commençait, à juste titre d'ailleurs. Son automatisme n'avait pas été effectif. Les gaz de combat de la guerre de 14 ont joué le rôle de la bombe atomique dans la Deuxième Guerre, il faut bien reconnaître. Il faut rappeler que vous avez présidé cette union rationaliste de 2004 à 2012, Hélène Langevin. En tout cas, sur tous ces sujets, vos parents étaient très conscients et très concernés. Écoutons tout de suite la voix de votre maman, Irène Joliot-Curie. C'était le 5 janvier 1948. L'importance vitale de la culture scientifique pour le relèvement du pays n'est pas encore justement apprécié en France. L'enseignement classique, qui draine la plus grande partie de notre jeunesse, a pris maintenant une forme singulièrement stérile, car on ne peut pas prétendre que la littérature française ait eu depuis le début de ce siècle le prestige que l'on aurait pu espérer, considérant la proportion énorme d'enfants nourris de la culture classique. La vérité, à mon avis, c'est que cette culture ne convient pas plus à la vie moderne au point de vue littéraire qu'au point de vue scientifique. Eh oui, ça fait même partie de votre patrimoine familial, ça, Hélène Langevin, ce patrimoine que vous faites en sorte aussi de conserver, de transmettre. Oui, ça fait partie de mon patrimoine familial. Et effectivement, rappelons-nous que le latin et le grec étaient les filières sélectives qu'est aujourd'hui la filière scientifique, avec le même résultat de dégâts. Encore une fois, basé tout sur la sélection des élites, par le latin et le grec, ou par les mathématiques et la physique, je dirais que ni l'un ni l'autre ne sont une bonne solution. Et donc on revient à la nécessité de doter chacun, quels que soient ses goûts pour une chose ou pour une autre, et même ses capacités. Je crois que on en parle en ce moment de la refondation de l'école. C'est très important. C'est évident que le nombre d'enfants qui accèdent au secondaire est évidemment infiniment plus grand que quand j'étais enfant. Heureusement. On n'en a pas tiré toutes les conséquences sur la manière de faire les choses. Et malheureusement, dans le domaine de la compréhension de la science, je parlais tout à l'heure de combattre ce relativisme dangereux. Mais ça va parfois plus loin, en toute bonne foi. On constate, nous le savons tous, que le nombre de nouvelles connaissances augmente très rapidement. Donc, nous disons, et c'est vrai, il n'y a plus l'honnête homme du XVIIIe siècle qui pouvait encore avoir une idée des connaissances dans tous les domaines. J'allais dire de là à regretter ce temps. Non, il y avait une poignée de personnes qui pouvaient faire ça. Et toutes les autres étaient totalement ignorantes. Mais aujourd'hui, j'ai vu cette phrase qui m'a fait bondir au plafond, si j'ose dire, dans un rapport sur les débats sur la refondation de l'école il y a 2 ans. Alors, les connaissances de plus en plus rapides, de plus en plus nombreuses, il n'est pas possible de les assimiler toutes. Parfaitement d'accord. Et la phrase d'après, c'était « Des pans entiers de la science deviennent obsolètes ». Excusez-moi, mais c'est une vue caricaturale de la réalité. Il y a d'anciennes connaissances dont on n'a pas besoin en ce moment, mais elles existent. Et si ça se trouve, on ira les chercher à un moment ou à un autre. Tout le monde reconnaît que la biodiversité, la préservation des anciennes espèces, etc. Oui, et ben pour les connaissances, c'est pareil, on les remet dans un autre cadre. Ça ne veut pas dire qu'il faut les empiler pour les apprendre. Par contre, je crois important, il y a un gros effort là-dessus, je crois que l'effort qu'a lancé la main à la pâte est extrêmement important, c'est-à-dire de donner une approche concrète aux méthodes de la science à travers l'expérimentation. Mais je crois qu'en même temps, dans l'enseignement, je dirais plutôt le collège et naturellement le lycée ensuite, il faut arriver à une combinaison dans laquelle on est en tête la nécessité de faire comprendre les méthodes et de fournir des connaissances repères suffisantes de différents niveaux. Je vous donne un exemple. Justement, en tenant compte que les connaissances se rafraîchissent d'une certaine manière. Bon, au début, il y a plus d'un siècle, on a découvert que la radioactivité, c'était la transformation d'un élément chimique en un autre élément chimique avec émission spontanée de rayonnement. Très bien. 12 ans plus tard, on sait qu'il y a un noyau dans l'atome. Très vite, on sait que les énergies mises en jeu sont telles que c'est pas l'élément, c'est le noyau de l'élément. Et du coup, l'élément change aussi. Donc, on dit que c'est le noyau qui se transforme. Mais l'élément aussi, ça reste vrai. Ça dépend si on regarde en chimiste ou si on regarde en physicien nucléaire. Et si ensuite on va regarder dans le noyau, on s'aperçoit qu'il y a des neutrons et des protons. Et bien on dit la radioactivité, c'est je prends 4 de ces particules et elles sortent et ça me fait la radioactivité alpha. Et je découvre, et c'était plus difficile, et ça a été une grande, grande avancée, je comprends qu'on peut transformer un neutron en proton. Je ne vais pas continuer, parce qu'après, on arrive au quark, etc., etc. Mais on comprend bien la démonstration. Vous voyez, à chaque étage, on peut donner des repères, mais on n'est pas forcé de connaître le repère le plus profond pour comprendre le premier. Mais on n'est pas forcé non plus de l'oublier. C'est ce que vous nous dites, Hélène Langevin. Merci en tout cas d'avoir passé cette heure avec nous. On a aussi compris que cet enseignement était lié à l'histoire, que votre famille fait partie de cette histoire, des sciences. Tout un travail a été mené avec Pierre Advani, création de l'association des amis de Frédéric et Irène Joliot-Curie, devenue association Curie-Joliot-Curie dans les années 80. Il y a le musée Curie, il y a toutes ces archives. Dernière question, Hélène Langevin, après vous, qui dans la famille va se soucier de ce flambeau? Vous avez 2 enfants, on l'a pas dit, Françoise et Yves. À votre avis, enfants, petits-enfants, qui prend la relève? Je ne veux pas faire de pronostic. Si on avait posé la question, par exemple, à ma tante Ève Curie, qui effectivement a porté, je dirais, avec son livre sur Marie Curie, a eu un impact énorme sur l'histoire, la conservation de l'histoire et je dirais comme éducation à beaucoup dans le monde entier. Si on lui avait demandé, je ne sais pas moi, dans les années 60-70, qui fera cela après moi, je ne sais pas si elle aurait pensé à moi. Heureusement, dans les dernières années de sa vie, elle a été convaincue que je le ferais.